Bilan. Activité 1. Page 50. Piste 37. Salut Hugo. Comment ça va? Salut Lana. Ça va bien. Et toi? Ça va aussi. Qu'est-ce que tu fais? Je joue à la console. Et toi? Je suis en train de lire un livre. Ah bon? C'est quoi comme livre? C'est un livre sur les dinosaures. Et toi? Tu joues à quoi? Je joue à FIFA 22. Tu connais? Oui. C'est cool. Oui, c'est super. Bon, je dois te laisser. Ma mère m'appelle pour manger. D'accord. À plus tard.